femme sont en rage. Ah, que les hommes sont trompeurs. J'en serai malade, méchante. Oh, j'en mourrai, n'ayez pas peur. Voyez comme elle me tourmente. Comme il brise mon pauvre cœur. Ah, que les femmes sont en rage. Ah, que les hommes sont trompeurs. La défaite est merveilleuse. Seigneur, que je suis malheureuse. Elle pleure à présent, elle me rendra fou. Mais corbleu, justifiez-vous. Jacqueline, voyons, arrêtez ce déluge. Expliquez-vous. Explique-toi. Je ne suis pas un méchant juge. Quelqu'un est-il entré? Réponds de bonne foi. L'avez-vous vu? Non pas, mais c'est tout comme. Allez, vous êtes un pauvre homme. Je le veux bien, pourtant. Et je dois l'air d'une femme qui vous trahit. Non, mais c'est clair. Il était gris et la nuit était noire. Peut-être il vous a conté cette histoire pour se moquer de vous. Ah, si j'en étais sûr. Ou bien il a pris pour un homme l'ombre des rosiers sur le mur. Ou bien c'était quelque voleur de pommes. Ou bien l'amant de ma servante Madeleine. Eh, parle, voici son bonheur raison. Oh, je le savais bien. Le ciel est déjà tout vermeil, je succombe.